Paix devient une arme, les rues résonnent de mon souffle. Chaque secret s'éparpille et s'essouffle. Je suis vous porte à moi. Je suis la braise qui ne s'éteint pas, l'éclat inscrit au fond de toi. Je suis la fièvre qui vous entraîne, la flamme qui vit dans vos veines. I am the storm inside your soul. Chaque horizon devient ma place, chaque vue est ressent ma vibration, chaque souffle nourrit la passion. Je suis la force, je suis la voix, le feu qui vit au fond de toi. Ride a ski, souffle éternel, un empire gravé dans le ciel. Les vents se plient, les ombres tombe, chaque lumière s'élève et succombe. Je suis le cri qui traverse le temps, je suis le chant de vos instants. Just